Vocabulaire espagnol, méthode audio approfondissement, copyright Dr. Rose Lee Hayden pour le contenu, Chambers Hara Publishers Limited, 2008 pour les enregistrements. Bienvenidos. Bienvenue. Dans cette méthode consacrée au vocabulaire, nous travaillerons sur ce que Michel Thomas a appelé la seconde étape. Cette seconde étape se base sur les structures du langage étudiées dans les méthodes débutant et perfectionnement. Comme il le précisait souvent, il aidait à construire la maison, mais c'était ensuite à ses élèves de la décorer. Et c'est ce que nous apprendrons à faire dans cette méthode de vocabulaire, à décorer la maison. Pour cela, nous nous appuierons donc directement sur ce que vous avez vu dans les méthodes débutant et perfectionnement. Et pour ceux qui n'ont pas encore travaillé sur ces méthodes, je vous recommande vivement de le faire. Vous serez surpris par la facilité avec laquelle elles vous permettent d'apprendre ou de renforcer vos connaissances en espagnol. Il s'agit d'une façon unique d'apprendre une langue étrangère. La méthode Arabs Michel Thomas présente, comme les habitués le savent déjà, et les nouveaux venus le découvriront bientôt, des règles à la fois strictes et étonnantes. La première règle de base est essentielle. Il faut être détendu. Si vous êtes tendu, vous ne profiterez pas pleinement de votre apprentissage et n'aurez pas ce sentiment d'excitation et d'accomplissement que l'on peut avoir lorsque l'on entreprend quelque chose de nouveau. La deuxième règle de base, tout aussi importante que la première, n'essayez pas de mémoriser. Si vous voulez apprendre avec cette méthode, vous devez vous défaire de vos anciennes habitudes, celles consistant à apprendre par cœur, prendre des notes, faire des exercices à la maison. Vous devez changer votre manière de fonctionner. Règle numéro 3, prenez votre temps et réfléchissez bien avant de répondre. Et enfin et surtout, vous devez participer, interagir et ne jamais écouter passivement. En effet, votre apprentissage est basé sur la compréhension, car, comme le disait Michel Thomas, on n'oublie pas ce que l'on comprend. Dans cette méthode, vous serez le troisième membre d'un groupe un peu particulier composé de deux locuteurs natifs. L'un avec un accent espagnol, Carmen, et l'autre avec un accent mexicain, Roberto. Comme nous l'avons vu dans les méthodes précédentes, les différences de prononciation sont assez mineures. On a par exemple Barcelona, Barcelona, razón, razón. Ne vous inquiétez donc pas de cela. Contentez-vous de participer activement aux échanges, mettant en pratique le nouveau vocabulaire abordé. Voici comment nous allons procéder. J'expliquerai d'abord un nouveau concept ou une nouvelle expression. Puis, je vous demanderai de traduire une phrase. Je dirai « Comment diriez-vous » ou « Traduisez-moi ». Lorsque vous entendrez une de ces phrases, attendez quelques secondes et appuyez sur le bouton « Pause » de votre lecteur CD. Vous disposerez ainsi du temps nécessaire pour réfléchir à votre réponse. Ne vous dépêchez pas. Prenez le temps dont vous avez besoin pour réfléchir. Lorsque vous avez répondu, appuyez sur « Lecture » pour entendre la réponse. Elle sera donnée par les hispanophones et par moi-même. Si vous êtes en train de conduire ou si vous ne pouvez pas vous interrompre dans vos activités, un court temps de pause est marqué sur les CD pour vous permettre de répondre. Dans tous les cas, vous pourrez toujours revenir plus tard sur les parties qui vous ont semblé difficiles. Vous serez surpris de découvrir, au fil des échanges, tous les mots espagnols que vous connaissez déjà ou êtes capable d'utiliser. Et si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris quelque chose, réécoutez ce qui a été dit. Vous pouvez parfaitement réécouter certaines parties avant de continuer. Cela ne pose aucun problème. D'ailleurs, Michel Thomas a conçu ces méthodes de façon à ce qu'il soit impossible d'avancer sans avoir compris et intériorisé ce qui a été enseigné à chaque étape. Une dernière chose. Une grande partie des mots espagnols ressemble au français. Et avec quelques transformaciones, vous pouvez retrouver vous-même des milliers de mots. Michel Thomas disait aussi que dans n'importe quelle langue, notre vocabulario activo est très limitado. Il est donc possible de comunicar en espagnol avec seulement 500 à 1500 mots. Dans cette méthode, qui est divisé en trois parties, nous verrons des centaines et des centaines de mots et groupes de mots que vous connaissez déjà, dans la plupart des cas, et qui attendent juste d'être transformados par vous en espagnol. La première partie vous montrera plus de 25 transformaciones útiles pour retrouver le vocabulario espagnol ressemblant au français. Dans la deuxième, nous reverrons certaines structures et en introduirons de nouvelles, construites avec des verbes déjà présentés dans les autres méthodes. Et pourquoi se priver? Nous apprendrons aussi des nouveaux verbes. La dernière partie vous fera découvrir des expressions espagnoles courantes et tentera d'éclaircir quelques points problématiques pour les francophones. Je suis content et honoré de vous guider dans cette nouvelle aventure qui vous fera découvrir du vocabulaire espagnol à la façon de Michel Thomas. Ensemble, nous ferons passer la balle au-dessus du filet. Cette image utilisée plusieurs fois dans les méthodes précédentes sert à indiquer que le plus important est de se faire comprendre, comme lorsque l'on apprend à jouer au tennis, l'important au début, lorsque l'on apprend différentes passes, est de faire passer la balle au-dessus du filet. Ainsi, votre adversaire peut vous renvoyer la balle. Il y a donc un échange. Dans un contexte de communication, c'est pareil. Si votre interlocuteur vous comprend, il pourra y avoir un échange et peut-être même qu'il corrigera une erreur que vous avez commise. N'hésitez donc pas à parler en espagnol. Vous avez tout à y gagner. En tant que Français, vous connaissez déjà, sans le savoir, une grande quantité de mots espagnols. Vous devrez juste transformer un poco les termes que l'on a en français. Ces mots sont faciles à retrouver, car ils partagent les mêmes racines grecques et latines. Considérez-les comme vos vrais amis, puisqu'ils vous permettront d'établir votre vocabulario espagnol. Il y aura, bien sûr, parmi eux, des faux amis, ces mots qui se ressemblent dans les deux langues, mais dont le sens est différent. Toutefois, vous pourrez compter sur ces mots d'origine grecque et latine 9 fois sur 10. Vous commencez donc déjà avec un véritable avantage. Dans cette partie, nous vous donnerons plus de 25 trucs et astuces pour enrichir votre espagnol, avec de petits changements très pratiques. Une fois que vous maîtriserez ces transformaciones très simples, vous serez capable de créer des centaines et des centaines de mots en espagnol. Nous avons déjà vu beaucoup de ces transformaciones dans les autres méthodes pour retrouver du vocabulario espagnol. Nous les rêverons ici et nous vous en montrerons d'autres.